ça. En bouffant le cul d'une fille. Quand tu bouffes le cul d'une fille, ça fait pas la balade. Ça date depuis que j'étais gosse, vous voyez. J'avais dû voir l'autre copain. Rap under. Pour les petits qui lèvent en runner, c'est pour Warwick qui rêve de bandit en honneur. Je me sens bien comme celui qui a fait le coup du siècle. Comme Bobby, je fais mes initiales sur le siège. Tu me croyais attardé, tu voulais me retarder. Fais-le, mais sache qu'un jour ça va barder. Non, crois pas qu'un jour tu me la mettras. Je pèserai celui qui le méritera. C'est du rap de rapace, on en fait même de tatas. C'est pour ce qu'ils m'écoutent en faisant des dérapages. Ici c'est pas Paris, dans les quartiers les petits veulent porter des Breitling. Ça a à peine 12 ans, ça passe à voler, tu les guettais à rouler sans permis. Ça veut des plans et la bague à la belle mise. C'est nerveux, les jours passés au quartier s'éternisent. Ici entre potes c'est la guerre fille. C'est du rap de quartier, ouais c'est du rap d'artiste. Pour les frères énervés, c'est de l'art que je pratique. Hiver comme été, chez moi c'est toujours la même. La vie est un chemin fait de pièges qu'on s'aime. C'est du rap de quartier, ouais c'est du rap d'artiste. Pour les frères énervés, c'est de l'art que je pratique. Hiver comme été, chez moi c'est toujours la même. La vie est un chemin fait de pièges qu'on s'aime. On se met des bâtons dans les roues, on se charcle. Ça respecte rien, ça veut même ton plan chatte. C'est pour les mecs qui veulent, qui vont, qui parlent, qui ont. Qui se la pètent pas, qui tchatchent, qui font. À me débrouiller à mon âge, je suis presque le seul dans l'arène. Les jeunes m'ont dit on veut la crème, moi je la ramène. Je sais que mon rap, tous ces petits ça les engraine. Ils vont serrer le premier jour où je vais monter sur scène. La cause des haines, c'est toujours ça ma dégaine. Certains ont compris qu'il faut arrêter le rap man. Avec leur grosse chaîne, c'est pour tout pas qu'ils se prennent. Wesh l'équipe, sur ma vie vous faites la peine. J'arrête d'enchaîner sinon je vais plus m'arrêter. Ne jamais ouvrir sa gueule quand tu te fais arrêter. Joule c'est juste la race pour les mecs qui vont guetter. C'est pour les libérables et les frères en décès. C'est du rap de quartier, ouais c'est du rap d'artiste. Pour les frères énervés, c'est de l'art que je pratique. Hiver comme été, chez moi c'est toujours la même. La vie est un chemin fait de pièges qu'on s'aime. C'est du rap de quartier, ouais c'est du rap d'artiste. Pour les frères énervés, c'est de l'art que je pratique. Hiver comme été, chez moi c'est toujours la même. La vie est un chemin fait de pièges qu'on s'aime. Monte les baffes en fond, dernier couplet, faut que je le pèse. Rien n'a changé, dans les poches y'a que des pièces. Je suis pas dans leur délire de shit et de cesse. Et miss, cesse de dire à tout le monde que t'as donné tes fesses. Tes critiques, j'encaisse pas. Tes insultes, j'encaisse pas. Et moi je suis comme moi une tête pour de la fouf, on m'achète pas. Pour sortir, t'inquiète pas. Mon avenir, t'inquiète pas. J'ai trop la rage, voilà pourquoi je m'arrête pas. C'est pour mon quartier, j'ai juré que si un jour je perds, sortirai les frères et maman de la merde. C'est la merde, je te l'affirme, dehors ou enfermé. Tous pareils, on a une vue sur la merde. Depuis tu cerné, ils veulent tous me berner. C'est pour ceux qui ont pris un coup en prenant du ferme. Je rappe les yeux cernés, on est beaucoup, c'est clair. Mais sur le troisième couplet, je suis venu vous la fermer. C'est du rap de quartier, ouais, c'est du rap d'artiste. Pour les frères énervés, c'est de l'art que je pratique. Hiver comme été, chez moi c'est toujours la même. La vie est un chemin fait de pièges qu'on s'aime. C'est du rap de quartier, ouais, c'est du rap d'artiste. Pour les frères énervés, c'est de l'art que je pratique. Hiver comme été, chez moi c'est toujours la même. La vie est un chemin fait de pièges qu'on s'aime. C'est du rap de quartier, ouais, c'est du rap d'artiste. Pour les frères énervés, c'est de l'art que je pratique. Hiver comme été, chez moi c'est toujours la même. La vie est un chemin fait de pièges qu'on s'aime.